deux BD, effectivement, à l'affiche, j'allais dire, presque, ce soir, avec le retour de Sillage, et comme on le disait, je pense, hors antenne, Sillage, ça fait pas très longtemps qu'on a parlé de Sillage, je pense qu'on avait terminé la saison dernière. Mais oui, ça fait même pas un an, même pas 9 mois, oui, même pas 6 mois, enfin, je sais pas. Mais bon, Morvan et Huchet, hein, donc ça produit. Voilà, on est déjà au 10e Sillage. Maintenant qu'ils peuvent plus faire de Spirou. Oui, c'est ça, exactement. Ils sont punis, donc voilà. Ça fait déjà le 10e album de Sillage, et plus 3 albums de Nevis, plus les chroniques de Sillage, mais là on les pardonne parce que c'est pas eux qui dessinent et qui scénarisent. Donc, si, c'est Morvan qui scénarise tout, je pense. Ah oui, c'est juste, oui, c'est Morvan qui scénarise. Mais dessine peut-être la couverture. Je suis même pas sûr, mais en tout cas il dessine de temps en temps une petite histoire dedans, mais bon voilà. Donc effectivement, ça commence à devenir une sacrée saga, Sillage. On vous rappelle en deux mots, hein, Sillage, c'est l'histoire de Nevis, donc jeune et belle femme, apparemment humaine, qui a été naufragée sur une planète et puis recueillie par une colonie spatiale qui s'appelle elle-même SF. Voilà, Sillage, c'est donc de la SF, et donc elle est devenue agent secret un peu, mais un peu rebelle. Donc elle... une série de cas à résoudre. Et alors, une des caractéristiques intéressantes de la série, c'est que elle est recueillie toute jeune, et donc elle grandit, elle vieillit, elle mûrit aussi, et elle se trouve plongée dans des histoires qui, dans les derniers albums, touchent de plus en plus à quelque chose d'essentiel. Je veux dire par là quelque chose de profond, quoi. Pas des biaises thématiques, petits albums de SF pour enfants. Non, ça va un petit peu plus profond que ça. Même si, c'est vrai, ça reste de la BD grand public, un peu mainstream. On ne va certainement pas contester ça. Ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans Sillage, c'est que quasiment à chaque album, on a des éléments nouveaux, évidemment, sur l'histoire de Nevis, mais on sent clairement depuis 2 ou 3 albums qu'on arrive vers une, peut-être pas une fin, mais en tout cas vers un tournant important de l'histoire. Donc on a réellement des éléments signifiants, pas forcément comme d'autres séries, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais le truc est facile, hein, les 13 par exemple, où on a des petits ploc-ploc-ploc, petits éléments, plic-ploc un peu partout, et puis ah oui, un élément important sur le récit, mais on peut vous en donner 10 pareils, et puis on peut faire une série qui n'en finit plus, et d'ailleurs, bon, 13, on voit ce que ça peut donner. Donc, Sillage intéressant, et je vous avoue que quand j'ai vu débarquer ce dernier album, je me suis fait 2 réflexions. D'une part, on continue dans une progression dramatique du scénario qui est assez intéressante, et d'autre part, c'est mal dessiné. Oh. Bah oui, je m'étais pas du tout dit ça. Un perfectionniste comme Huchet, oui. qui toujours dessine avec amour tous ces vaisseaux spatiaux et tous ces trucs au design super compliqués, comme des combinaisons, des armes, des... Eh bah tout ça, c'est super bien fait. Ah ouais. Mais les personnages, il y a vraiment un truc, je dirais pas que c'est bâclé, il faut pas exagérer, mais il y a quand même des dessins qui sont laids, quoi, qui sont pas beaux, dont la perspective est ratée, où la mise en scène ne fonctionne pas, et donc un peu déçu. Moi, les décors, aussi bien faits soient-ils, m'ont paru beaucoup plus vides, beaucoup moins chargés et fouillés qu'avant. Oui, tout à fait, c'est nettement moins fouillé. Donc, est-ce que ils avaient des impôts à payer? C'est possible aussi. Ou leur éditeur. Ou bien il y avait de sombres histoires. Une pension alimentaire inversée. Oui, je ne sais pas, des enfants illégitimes, allez savoir. Toujours est-il donc que ça, c'est du point de vue strictement technique, c'est pas génial. On a déjà très sincèrement vu mieux dans la série. Pour moi, les albums précédents étaient graphiquement plus réussis. Et c'est vrai que la couverture annonce un peu la couleur, elle n'est pas non plus... La couverture est d'une simplicité extrême. Hein. On a juste la tête de Nevis avec un drôle de casque à antenne sur la tête, puis c'est tout, un dégradé de bleu derrière. C'est peut-être un parti pris, final. Peut-être, mais c'est... graphiquement, c'est pas extrêmement convaincant. Par contre, au niveau de l'histoire, on a maintenant des personnages qui deviennent récurrents. On a notamment un être un peu bizarre dont on a découvert dans les albums précédents qu'il était retenu, lui et son peuple, un peu en esclavage par les gens de Sillage parce qu'il avait des pouvoirs télékinésiques qui servaient en fait de moteur à la colonie de Sillage et tout ça. Donc, toute une histoire assez compliquée, et en fait... l'histoire revient sur ce personnage, lui donne un rôle central, à la limite beaucoup plus important que Nevis elle-même, et c'est fort fort intéressant. La construction de l'album elle-même est fort intéressante, il y a une structure assez audacieuse, à coup de flashback mais non annoncé, donc le début de l'histoire commence sur un flashback, on met un moment à comprendre, quand on revient au présent du récit, qu'on était dans un flashback... Vraiment, c'est intéressant. Donc du point de vue du scénario, franchement, le dessin... L'idée de Morvan, ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne bien. je trouve qu'au niveau du graphisme, il y a un peu de laisser aller. Donc, bon, voilà, c'est pas gravissime, ça se laisse suivre parce que l'histoire est tout à fait passionnante, le découpage y est, le rythme de l'intrigue, bon, elle est toujours aussi mignonne, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a graphiquement un petit quelque chose qui... voilà. Si c'est le prix à payer pour avoir droit à 2 épisodes de Siège par an au lieu d'un... Écoute, pourquoi ça pas ça vaut peut-être la peine. Tout à fait, effectivement. Maintenant, on pourrait peut-être aussi suggérer éventuellement à Jean-David Morvan de publier des livres, puisqu'il aime tant écrire. Ça serait peut-être... C'est une idée. Voilà, on ne sait pas. Alors, d'autre part, une publication chez Paquet, éditeur qu'on aime bien, Pop Culture, et dans une collection... Éditeur suisse, si je ne m'abuse. Éditeur suisse, oui. Je crois bien, oui. Il y a suisse... Non, c'est .li. .li. Allez savoir. Éditeur lituanien ou c'est juste pour avoir le jeu de mots? C'est possible, je ne trouve pas l'adresse. Sont suisses. C'est très possible, oui, ça me dit quelque chose en tout cas. Et une petite collection dont on avait déjà parlé, puisqu'on avait parlé d'un album qui s'appelle Le Cadavre et le Sofa, dont l'auteur, qui s'appelle donc Tony Sandoval, était en dédicace à la marque jaune à la fin de l'année dernière ou pendant les vacances, je ne me souviens plus exactement, et on avait parlé du Cadavre et du Sofa, qui est un album très très étrange, et dont qui correspondait très bien à cette collection, puisque c'est un format nettement plus petit que les grands albums, donc ça doit faire quelque chose comme une quinzaine de centimètres de large, 20-21 de haut, donc c'est assez nettement plus petit, et les coins sont arrondis. Donc c'est très très sympa, c'est un album qui fait pas mal quand on se cogne avec en le remettant dans la bibliothèque, c'est super. Puis on risque pas d'abîmer les quoi. Exactement. Et donc, nouvelle parution dans cette collection qui s'appelle Discover, chez Paquet, un album de Carlos Vermouth. On va croire qu'il publie que des étrangers, pas du tout. Hein. A priori, lui est espagnol. Ça sort le pseudo, Carlos Vermouth. Non, c'est son vrai nom, c'est un espagnol de Madrid. Et José Whisky ou... Non, pas du tout. José Campari. Tony Sandoval, lui, était mexicain. Mais il publie pas que des hispanos, il y a aussi des français, des italiens et tout ça. Donc, bon, voilà. Et ça s'appelle le banyan rouge, le banyan étant un arbre. Le banyan rouge, en fait, c'est une fable. Une espèce de conte des mille et une nuits qui est l'histoire de Kailash. Kailash est un potier qui va se retrouver à faire un peu plus que de la poterie et surtout avec la femme de son seigneur, qui va s'en rendre compte et qui forcément ne va pas être fort fort content du fait, et donc le seigneur de Kailash va décider de le châtier, mais Kailash va s'enfuir, il va s'enfuir dans la forêt interdite, celle où personne ne va car il s'y passe des choses, oui c'est terrible, alors on ne sait pas quoi, et alors évidemment lui va découvrir ce qui se passe dans la forêt, et on va avoir droit à une histoire un peu à la mille et une nuit. Donc c'est-à-dire que il va se passer un tas de choses un peu mystérieuses, un peu légendaires, et surtout évidemment une morale, puisque l'histoire va, comme souvent dans les mille et une nuits, se mordre la queue, et celui à qui on croyait qu'on faisait la morale, en fait c'est lui qui fait la morale à l'autre, etc. Donc, voilà, c'est graphiquement c'est relativement simple. La couverture simple. Laisse penser que le dessin sera plutôt des influences un peu asiatiques comme ça. Tout à fait, mais c'est pas le cas. En fait, la couverture fait penser à ça parce qu'elle est sur fond blanc et qu'on voit l'ombre de l'arbre en rouge et le personnage principal qui est dans des tons de rouge également, mais en fait ce n'est pas du tout un récit japonisant, c'est un récit qui est certes oriental mais plutôt à la mode indienne et qui est dessiné avec des personnages un peu bizarres. C'est vrai que quelque part on pense un peu on pense même un peu à Dragon Ball en fait, des fois quand on voit les personnages, c'est assez stylisé, ça fait penser très fort à de l'expressionnisme et c'est en tout cas un album qui est très très intéressant. Graphiquement, ça ne cherche absolument pas le réalisme, c'est plutôt comme je disais, symbolique ou symboliste plutôt, ou expressionniste. C'est vraiment très très chouette. Évidemment, on va pas raconter la fin de l'histoire, hein, il faut ménager la surprise, mais c'est extrêmement intéressant et toujours, comme toujours dans la collection Discover, avec un petit côté un peu étrange, un petit peu pas comme tout le monde, voilà. Donc à voir vraiment, ça s'appelle Le Banyan Rouge de Carlos Vermouth et c'est paru chez Paquet Collection Discover.